Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, une nouvelle écrite par Roselyne Viomé, « Voulez-vous danser, grand-mère ?» C'est donc Roselyne Viomé, donc une actrice, metteur en scène, et cette nouvelle est parue aux éditions Jérôme Daubensinger. Et Roselyne Viomé est née en 1951 et elle est drôle, émouvante et ne ressemble à personne. Donc aujourd'hui, je commence avec une grand-mère. Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle. Ma chérie, voulez-vous prendre votre goûter ? Cette voix, cette main qui frôlait son épaule et lui saisissait le poignet. Sonia ? Sylvie ? Caroline pensait la reconnaître, mais impossible de se décider pour un prénom. L'éternel tablier bleu lui rappelait la joue au passage. Elle se retrouva plantée sur ses deux pieds, en équilibre précaire, mais fermement poussée vers l'entrée de la salle à manger. Un bras charnu et solide soutenait sa taille. Les deux femmes avançaient lentement, comme glissant au travers de silhouettes floues qui les entouraient. Ce ne fut qu'une fois assise devant son assiette que Caroline se prit à détailler ses voisins de table. Il y en avait deux, les mêmes depuis une éternité, au moins une semaine. À sa droite, un homme coincé dans son fauteuil roulant, à la peau étrangement lisse, au regard transparent. Un monsieur qui souriait presque toujours en se tournant de son côté. Elle ne pouvait s'empêcher de lui sourire en retour. À sa gauche, une femme à l'épaisse chevelure bouclée, d'un blanc éclatant qui les observait, l'air mauvais. Le contenu de sa tasse de chocolat suivait son cours habituel le long des plis de la serviette, fiché autour du cou, puis rejoignait sa robe pour former une petite mare brunâtre, d'où émergerait sans doute la gueule toute verte d'une grenouille. Caroline sursauta, ferma les yeux pour que cesse l'hallucination. Puis s'efforça de boire sa tasse de chocolat, gorgée après gorgée, en prenant le temps d'en savourer la saveur onctueuse. Sans se tâcher. Et c'était tellement difficile. L'effort faisait trembler sa main. C'est à ce moment précis qu'elle prit conscience de l'intérêt qu'elle suscitait auprès du groupe soignant réuni dans un coin de la salle, dont les regards convergeaient dans sa direction avec la même curiosité. Elle en fut troublée. Le groupe était en état de sidération. Aides-soignants, infirmiers, animatrices, tous, hommes et femmes, restaient plantés à l'entrée de la salle, fascinés par le tableau qu'offrait Caroline, entourée des deux résidents, simplement préoccupée par la nécessité de goûter proprement. C'était une petite bonne femme aux fins cheveux blancs kersemés qui encadrait un visage rond, d'où le nez pointait, avec un reste de hardiesse. La bouche était minuscule et très rouge, le corps absent, perdu dans une robe trop grande, la peau ambrée, fripée à la façon d'une pomme trop cuite. Caroline vivait dans la maison de retraite depuis une dizaine d'années. Qui compterait dans 2 ou 3 ans une petite nonagénaire de plus, car le filet de vie qui lui restait ne semblait pas très près de s'éteindre. On ne lui connaissait pas de famille. La nièce qui l'avait accompagnée au moment de l'inscription s'était empressée de disparaître, la laissant entre les mains expertes d'une tutrice. Caroline ne s'insurgeait jamais, acceptait sa vie comme si elle ne la concernait plus, ne l'intéressait pas, sans manifester la moindre tristesse. Elle faisait tellement partie des meubles qu'elle devenait transparente, aspirée par un ailleurs qui planait au-dessus de toutes les têtes et qui terrifiait ceux qui acceptaient de s'en apercevoir. La nouvelle qui venait de tomber n'était simplement pas croyable. Une maison de production, ZU, dont la spécialité consistait à déterrer de vieux films oubliés, des pépites enfouies, afin de les rendre à la mémoire collective, venait de téléphoner. Une certaine comédienne nommée Caroline Millet avait tenu le rôle principal dans un film tourné vers les fins des années 40, La Ronde des Jours. Olga, l'animatrice, qui avait pris la communication, crut comprendre que la bobine du film avait été retrouvée par un cinéphile proche du réalisateur, parmi des centaines d'autres, empilées à la diable sur des rayons poussiéreux dans les locaux de Canal+. Il avait su trouver les mots et l'énergie pour convaincre ZU Productions de s'emparer de cette œuvre d'un autre temps, qui avait tant de résonance avec notre actualité, toujours en souffrance, tant de choses à nous dire au-delà des années. Il avait fallu un certain temps pour organiser la restauration numérisée de la bobine avec l'aide du Centre national de la cinématographie. Mais la voilà, prête à être offerte à un public d'initiés. L'équipe de la production avait très vite localisé le comédien principal. Pour Caroline, ce fut plus ardu. Enfin, elle était retrouvée. À temps pour participer à la présentation du film devant la profession au prestigieux Cinéma des cinéastes à Paris. Séance présentée par le président de la commission des films de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Caroline Millet pouvait-elle se rendre à la séance prévue dans 2 semaines ? Accompagnée s'il le fallait. Prévoir d'arriver en fin d'après-midi afin de participer à une interview pour la chaîne Arte. Tous les frais seraient pris en charge. Abasourdie, Olga avait promis d'en référer à la direction de la maison, puis de les rappeler sans délai. Également surprise par cette proposition jugée surréaliste, la direction avait hésité, puis accepté à la condition qu'Olga veuille bien se charger de l'accompagnement. Sans trop réfléchir, Olga s'était engagée, ravie de se lancer dans ce qu'elle considérait comme une aventure inespérée. En cet instant, le groupe observait Caroline, cherchant à déceler des traces d'une vie d'actrice de cinéma sur la petite vieille qui goûtait lentement. Olga s'approcha de sa table, suivie par Sylvie, puis par Anthony, l'infirmier, car malaise était toujours à craindre avec ses résidentes fragiles. Ils entourèrent les 3 vieillards. Olga s'évertuait à trouver les mots justes, capable d'exposer la situation sans trop bousculer l'héroïne du jour. Caroline ne les aidait pas, grignotait sa madeleine en souriant, les yeux perdus sur son assiette. « Caroline, Mademoiselle Millet, c'est vrai ? Vous avez tourné dans un film quand vous étiez jeune ? Vous vous en souvenez ?» Caroline ne répondait pas. Ses yeux se tournaient vers la fenêtre et le jardin. « Vous vous en souvenez ? La Ronde des Jours. Vous aimeriez le revoir ? C'est possible, Caroline. Ça vous ferait plaisir ?» La vieille dame ne réagissait toujours pas. Les soignants, désarmés, respectaient son mutisme. Une petite voix finit par émerger du silence. « Oui, je veux le revoir. Je m'en souviens très bien. » Caroline se tenait assise dans un grand fauteuil devant la porte de sa chambre. Elle attendait toute pimpante, habillée et coiffée de frais, sa petite frange bouclée maintenue par une résille. Un soupçon de rouge sur le bord des lèvres, sur l'extrémité des pommettes. Olga tardait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent enfin sur la jeune femme qui découvrait une autre Caroline, reflet ingénu d'un temps révolu. Comme un tableau longtemps posé à l'envers sur un mur et que l'on venait de retourner. Les deux femmes déambulèrent à travers l'établissement. Les robustes mollets d'Olga entraînaient à leur suite les jambes frêles de Caroline. Son bras expérimenté en serrait la taille gracile. Certains résidents, les voyant passer, clignaient des paupières. Il leur semblait que Caroline flottait au bras de l'animatrice et qu'elle s'envolerait dans le ciel dès la porte du dehors franchie. Le chauffeur du taxi était en grande conversation avec la directrice et s'ils s'arrêtèrent de parler à l'apparition des deux femmes, leur sourire tardait à s'éteindre, restait rivé sur la silhouette de Caroline qui plongea à l'arrière de la voiture et se cala dans les coussins, le regard enfoui au plus profond d'elle. Surprise, la directrice prodigua ses derniers conseils et encouragements, mais renonça à embrasser sa pensionnaire. Elle resta sur le pas de la porte, longtemps après la disparition du taxi au coin de la rue. La voiture ne tarda pas à rejoindre l'autoroute en direction de Paris. Comme Caroline s'obstinait à se taire, Olga échangea quelques mots avec le chauffeur, puis très vite se concentra sur sa voyageuse. Depuis que la voiture avait abordé les faubourgs de la capitale, Caroline s'était redressée. Sa petite tête au nez pointu oscillait au rythme des virages et ses yeux se faisaient perçants. Un oiseau dont les ailes s'animaient, pensa Olga. Car la vieille femme fixait avec obstination les rues, les immeubles qui défilaient, les passants croisés l'espace d'une seconde, son corps frémissait. Sa mâchoire en mouvement semblait psalmodier une litanie muette. Par moments, elle sursautait, agrippait la banquette, fermait les yeux pour les rouvrir aussitôt. Le taxi traversa Paris en l'abordant par la porte d'Italie. Il suivit l'avenue de Choisy, que bordaient de petits gratte-ciel. Caroline avait saisi le haut du siège devant elle et restait pétrifiée, tandis que le véhicule traversait la place d'Italie, suivait l'avenue des Gobelins, rejoignait Jussieu, passait sur la Seine pour atterrir place de la Bastille. La main de Caroline se posa sur la vitre car le taxi dépassait maintenant la rue Saint-Antoine pour rejoindre la place de la République en suivant le boulevard Beaumarchais. Il devait être 17 heures, la circulation se densifiait. Le véhicule faisait du sur-place en suivant les bus, mais Caroline ne manifestait aucune impatience, restait comme électrisée. On longeait les grands boulevards à présent. Bonne Nouvelle, Poissonnière, la gare Saint-Lazare. À l'image d'un cheval qui devine l'écurie, Caroline remuait, piaffait d'excitation, car la place de Clichy ne tarderait plus. Le taxi venait de passer devant le Moulin Rouge. Même Olga sentait sa gorge se nouer, alors qu'elle découvrait enfin Paris. Elle ressentait surtout l'émoi de sa compagne, devinait le fil de toute une vie qui se dévidait en libérant sa cohorte de fantômes. Le taxi s'arrêta devant le 7 avenue de Clichy en double fil. Le chauffeur ne tenant pas à s'attarder plus qu'il n'était nécessaire. Olga peina à sortir Caroline de la voiture. Le corps paraissait pétrifié, recroquevillé. Les premiers pas résistaient, hésitaient, puis retrouvaient une certaine fermeté dans le sillage d'Olga. Caroline redressa brusquement la tête et s'accrocha au bras de l'animatrice qui leva à son tour le visage et ne put retenir une exclamation de surprise. Au-dessus de l'entrée du cinéma se déployait une immense affiche. Un jeune homme à la tignasse sombre tenait contre lui une jeune fille aux joues rebondies, à la chevelure paille, ramassée en une grande natte plongeant sur sa poitrine. La peau du visage et de la gorge était constellée de petites étoiles pâles. Des noms se détachaient en haut de l'affiche, Pierre Barry et Caroline Millet. Sidérée, Olga entendit une petite voix qui murmurait à ses côtés. « C'est moi, vous savez, la jeune fille sur l'affiche. C'était moi. » Bien sûr, mais c'était tellement difficile à réaliser. Déjà, un homme et une femme qui attendaient devant la porte se dirigeaient vers elle, s'empressaient autour de Caroline. « Mademoiselle Millet, c'est un miracle de vous avoir retrouvée. Venez vite vous installer à l'intérieur. L'équipe d'Arte nous attend pour l'interview. Vous allez revoir Pierre Barry. » Un vieillard très maigre mais alerte les avait rejoints. Appuyée contre le buste d'Olga, Caroline regardait Pierre, qui la regardait. Au-delà du faisceau de rides, deux vieux complices tentaient de retrouver les traces d'un visage connu. Comme ils restaient plantés en face l'un de l'autre, perdus dans un silence qui promettait de durer, les autres s'animèrent, les entraînèrent à l'intérieur du bâtiment. Caroline tremblait. Une vive émotion l'avait saisie. Ses repères fragiles se bousculaient. Elle se sentait perdue dans l'espace et dans le temps, fermait les yeux, se concentrait sur sa respiration, s'abandonnait à ceux qui l'entouraient. On la fit asseoir sur une chaise dans une vaste salle aveugle. Quelques sièges avaient été disposés en demi-cercle face à la caméra, éclairés par deux projecteurs. On lui proposa une tasse de chocolat pour la retaper après ce long périple. Caroline était terrifiée par la difficulté de ce qui l'attendait. Boire, proprement, devant ces gens qui ne cessaient de la regarder. Elle tenta des gestes maladroits, ne tarda pas à se tâcher. Olga n'osait pas intervenir. Le personnage de Caroline lui échappait. On ne materne pas une actrice devant tout ce beau monde. La vieille femme fut enfin libérée de son fardeau et se tint droite sur sa chaise, secoua sa tête comme pour évacuer les multiples bruits qui saturaient l'espace. Son regard croisa celui de son voisin de droite, un vieillard obèse, recroquevillé dans un fauteuil roulant, qui ne lui rappela rien tout d'abord. Elle l'entendit prononcer son prénom, une certaine façon de traîner sur la dernière syllabe. « Caroline !» Et le masque tomba. Elle revit Henri Courreau, ce jeune homme aux traits réjouis, à la parole chantante, capable de mener sa troupe presque sans y toucher, mais fermement, car il s'agissait de sa première réalisation cinématographique et qu'il maîtrisait précisément ce qu'il avait à dire. Puis, elle tourna son visage vers la gauche et Pierre Barry, qui lui présentait son profil émacié, le regard perdu, fixé droit devant lui. Elle retrouvera brusquement les manières altières de son partenaire, cette angoisse diffuse qui ne lui laissait pas de répit, dont se servait sans le moindre état d'âme ce prédateur affable, Henri Courreau. Une jeune femme s'agita devant Caroline. L'interview pouvait commencer. Olga se faisait discrète au fond de la salle. Face aux trois vieillards attentifs, la journaliste s'employait à les mettre en condition, à dérider l'atmosphère. Permettre à leur mémoire rouillée de retrouver le chemin du souvenir. Elle racontait son émotion et son incrédulité à la projection privée du film proposée aux médias. Elle ne s'attendait pas à tant de similitudes avec l'actualité. À tant de force tranquille dans la forme, simple mais toujours exigeante. Le jeu des acteurs l'avait étonnée, tout particulièrement. Pas trace de cette emphase, de cette redondance qui caractérisait souvent l'interprétation des comédiens dans le cinéma des années 40. C'était du moins l'idée qu'elle s'en faisait. J'aimerais savoir d'où vous est venue cette détermination qui paraissait vous guider alors que vous étiez très jeune, je crois. C'était bien votre premier film. La jeune femme s'adressait à Henri Courreau qui sursauta. Il lui fallut un peu de temps pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Les autres restaient figés, attentifs. Si je ne me trompe pas, c'était notre premier film à tous. Même l'équipe technique, dans son ensemble, débutait. Elle était réduite à son plus strict minimum. Nous communiquions bien entre nous. La pellicule ne coûtait pas cher. J'en ai usé sans vergogne. Votre film ne ressemble à rien à la production de vos confrères, sortis de la même période. Je cite les premiers cinéastes qui me viennent à l'esprit. Robert Bresson, Henri Decoing, Julien Duvivier, Jean Cocteau. Oui ? Pourquoi ? Le regard d'Henri Courreau dépassait la journaliste, se perdait dans le mur qui lui faisait face. En quoi ne leur ressemblait-il pas ? La jeune femme se troublait. « Vous comprenez ce que je veux dire ? Le ton de votre film diffère complètement des autres. » Les trois vieillards l'observaient. Alors qu'ils utilisaient la métaphore, souvent poétique, vous alliez à l'essentiel, sans concession. Vous, tiens, c'est curieux ce que vous dites. Je me souviens de longs plans tournés sur des petites routes de campagne, au lever du jour, pour profiter de la lumière que nous trouvions magique. Vous les avez vus lors de la projection ? Vous dites nous, et moi j'entends acteurs. Comment et où les avez-vous dénichés ? Ils semblent parler comme ils respirent. Je ne me souviens plus très bien. Peut-être vont-ils m'aider puisqu'ils sont à mes côtés. La journaliste insistait. Dans la rue, à la façon de Bresson, on aurait dit qu'Henri perdait pied. Caroline, Pierre, aidez-moi ! Pierre tenta de répondre. Il s'exprimait difficilement. C'était la première fois que je tournais. J'étais plutôt musicien à la base. J'avais pris des cours de théâtre. C'est dans ce cadre, je crois, que nous nous sommes rencontrés. Ce que j'aimais le plus, c'était de m'échapper dans une autre vie. Parce que la période passée n'avait pas été particulièrement drôle, vous vous en doutez. Pendant cet échange, Caroline regardait ses mains, qu'elle ouvrait et fermait automatiquement. Olga se demandait si sa protégée suivait bien le cours de la conversation. Elle n'était pas seule à s'inquiéter. « Et vous, Caroline, où étiez-vous lorsque Henri vous a rencontrée ?» Un temps, puis, je sortais du conservatoire de Paris où je suivais les cours de Louis Jouvet. Surprise dans l'assistance, je n'avais jamais fait de cinéma. Comment avez-vous rencontré Henri ? Il était venu assister à une présentation de travaux d'élèves. Je crois me rappeler que nous avons beaucoup parlé ensuite. C'est très flou dans ma tête, vous savez. Un an, je passa. Les regards rebutaient sur les trois artistes, assis très dignement sur leurs chaises, traversés par une sorte d'énergie tranquille, détachée, presque mystérieuse. Olga s'interrogeait. Quel avait bien pu être le parcours de cette Caroline solitaire, comme blasée ? Justement, la journaliste insistait. « Caroline, pouvez-vous nous parler des temps forts de votre expérience de comédienne ? Les souvenirs qui vous restent de ce tournage ont probablement marqué un tournant dans votre vie. » Ainsi sollicitée, la vieille femme prit beaucoup de temps. Il lui fallait, pour aborder ses souvenirs, rassembler une multitude de morceaux, leur donner un semblant de cohérence. Elle dévoila quelques pans de sa jeunesse, des remplacements à la Comédie française, une tournée en Afrique avec des pensionnaires de la maison. Elle jouait Agnès dans l'école des femmes de Molière. Elle demeura silencieuse quelques secondes, concentrée sur un nailleur qui fait surgir deux fossettes au creux de ses joues. Son visage s'illuminait. Elle avait joué le rôle de Poil de Carotte dans la pièce de Jules Renard, adaptée de son roman. Près de 100 fois, partout en Europe et même dans une partie du monde, le Maroc, Tahiti, Nouméa. Le public me prenait pour un jeune garçon. Vraiment, c'était tellement drôle. Quand tu as tourné dans mon film, tu n'avais pas tant d'expérience. En l'interrogeant directement, Henri Courot avait bousculé Caroline, rompu le lien qui la reliait à sa jeunesse. Elle le regardait, interdite, presque au bord des larmes, car incapable de reconstituer le puzzle. « Je ne sais plus. Pardonne-moi. Tu étais mignonne, ça je m'en souviens. Tu répondais à mes consignes tout naturellement, sans chercher à comprendre. » Caroline se prit à sourire à cette évocation. Oui, ça avait été agréable de se laisser guider sans réaliser les enjeux de cette nouvelle vie, tellement différent du théâtre. Vous aimiez le contact avec le public ? À nouveau un temps. La vieille dame fermait ses yeux. La journaliste dut s'approcher très près d'elle pour recueillir les bribes de son souvenir. J'avais peur. Les gens m'entouraient, me regardaient sans me parler quelquefois. C'était exaltant, c'était très dur. Je ne comprends pas bien. C'est difficile de l'exprimer. C'était affolant de voir ces gens qui me regardaient comme si j'étais un animal de cirque. C'était pourtant une forme de reconnaissance. Je ne sais pas. Peut-être. La journaliste comprit qu'il serait malvenu de continuer dans cette voie. La pauvre femme tremblait maintenant devant son auditoire déconcerté. « Accepteriez-vous de nous toucher deux mots de votre vie privée ?» Les yeux de Caroline s'élargirent. Sa petite bouche s'entr'ouvrit. « Ma vie privée ? Votre vie de famille ?» Caroline resta sans voix. C'était un aspect de son existence dont elle n'avait jamais pris conscience, qu'elle avait sans doute occulté. Elle finit par expliquer qu'elle n'avait pas vu le temps passer, qu'il y avait eu des rencontres, quelquefois amoureuses, oui, mais les chemins se séparaient vite, bien au fil des tournées. Olga ne put s'empêcher de fixer Pierre et Henri. Que ressentaient-ils devant cette confidence ? Ils manifestaient un intérêt certain, mais rien ne laissait supposer qu'ils se sentaient concernés. Que dire de plus ? Caroline avait entreaperçu les enfants de sa sœur, suffisamment pour deviner les charmes fragiles de l'enfance. Ensuite, elle avait dû épauler ses vieux parents, les accompagner jusqu'à leur départ. Passée la soixantaine, elle avait éprouvé une fatigue, posé ses valises dans cette lointaine banlieue de Paris, acheté une petite maison pourvue d'un jardinet, donné quelques cours de théâtre, pris le temps de rester sur une chaise, assise, sans plus rien faire qu'observer ce qui l'entourait. Voilà une dizaine d'années, il y eut la maison de retraite parce qu'elle ne pouvait plus s'assumer seule. Et rien à dire de plus. La rivière s'était tarie. On devinait le cours d'un ruisseau, frêle mais tenace, qui continuerait de couler rien que pour elle. La journaliste se tourna vers les deux autres vieillards pour recevoir leur confidence. Pendant ce temps, la grande salle s'était remplie de spectateurs. Et ce fut l'heure de s'y rendre pour assister à la séance. Assise avec à sa droite Henri et à sa gauche Pierre, Caroline voyait se dérouler les scènes du film avec la sensation étrange de redécouvrir un pan de sa vie qui lui avait échappé. Elle suivait les tribulations d'une jeune étrangère qu'elle savait avoir bien connue. La plupart des images n'éveillaient pas de souvenirs précis, mais elle ne pouvait se défendre d'une impression de déjà vécu. Certains passages la troublaient. Prisonnière d'une mémoire défaillante, elle se sentait engluée dans un réseau inextricable d'émotions ambiguës qui refaisaient surface de façon sournoise. Et pourtant, au détour d'un plan, elle ressentait aussi une sorte de paix devant ce morceau de vie qui allait son chemin sans rien attendre d'elle, qui résistait aux assauts du temps, lui accordant une jeunesse qu'elle découvrait éternelle. La présence à ses côtés de ses deux partenaires attestait de la vérité du moment présent. C'était utile, car il lui arrivait parfois de glisser dans un songe qui trouvait sa frontière entre la réalité de l'image et la légèreté du rêve. Les réactions diverses de spectateurs assis autour d'elle fusaient, fondaient dans sa douce somnolence. De ce fait, le temps passa très vite. Une salve d'applaudissements éclata dans la salle alors que le générique filait sur le grand écran. On avait installé les trois invités d'honneur au premier rang. Henri dans son fauteuil, et il leur fut demandé de rejoindre le plateau pour un échange avec le public. Cela prit un temps certain, qui ne fut pas inutile. La fin tragique du film pesait sur l'assistance qui avait besoin de reprendre sa respiration. Peut-être aussi de se préparer pour accueillir les personnages de la fiction, accepter la représentation de leur vieillesse insolite, brutale. Enfin, alors qu'ils étaient tous assis face au public, le président de la SACD prit la parole. Il sut exprimer son plaisir de revoir ce film qu'il avait eu la chance de découvrir au ciné-club alors qu'il était encore adolescent, son émotion d'être entouré de ses trois acteurs, témoins d'une période riche culturellement, mais qui glissait doucement vers l'oubli. Une époque passée qui faisait pourtant partie de notre ADN commun et qu'il était heureux de revisiter devant la profession présente dans la salle. Henri Courault s'empara à son tour du micro. On distinguait clairement ses souvenirs refaire surface au fur et à mesure qu'il dévoilait l'aventure chaotique de son film. Le tournage réalisé avec des moyens presque inexistants, la malhonnêteté de certains producteurs, le courage de l'équipe qui ne lui avait jamais fait défaut, même dans la tourmente. Il détailla les petites et grandes joies qui lui avaient permis de tenir le coup. L'enthousiasme d'une certaine presse à la sortie du film, les soirées ciné-club et le contact avec un public toujours ému. Dans la salle, un bras se leva pour réclamer le micro. Une voix claire de jeune femme interrogea le vieillard. « Le sujet de votre film me paraît très engagé pour l'époque, ce qui explique peut-être vos difficultés à le réaliser. J'aimerais savoir dans quelle mesure vos acteurs en étaient conscients. » Pierre annonça tout d'abord qu'il avait été très heureux de se redécouvrir restauré. Il y eut quelques rires dans la salle. Il rappela sa jeunesse au moment du tournage, mais admit s'être senti en osmose avec la problématique de son personnage. « Et vous, Caroline ?» La vieille dame semblait hésitante, mais finit par répondre qu'elle venait de découvrir la force du film, ce soir seulement, en compagnie du public présent autour d'elle. J'étais surtout heureuse de tourner ce premier film avec Henri. Je ne me posais pas de questions. C'est très difficile pour moi de vous en parler alors que c'est si lointain. Je suis très touchée d'être ici ce soir. C'est tout ce que je peux dire. Alors qu'elle tendait son micro à Pierre, une silhouette se dressa au milieu du public et l'on entendit une voix masculine, altérée, très forte. « Non, s'il vous plaît, gardez le micro, j'ai beaucoup de choses à vous dire. » Caroline ne distinguait qu'une forme floue, perdue dans la foule des spectateurs. L'homme expliqua qu'il ne s'attendait pas à la présence de la comédienne parmi eux, qu'il en était profondément ému. Il avait 15 ans à la sortie du film. Pour la première fois de sa vie, son père l'avait entraîné dans une salle obscure et pour lui, ce fut une révélation. Il avait subi une sorte de fascination devant la jeune fille radieuse qui évoluait si tranquillement au milieu des arcanes sombres de l'intrigue, offrant à l'envie les reflets clairs de ses cheveux et la fraîcheur de son teint. Depuis 70 ans, Caroline l'avait accompagnée sans relâche, paraissant au détour d'un film, d'une dramatique. Il avait remarqué l'apparition de petites ridules au bord des yeux qui s'inscrivaient aussi sur le pourtour des lèvres. Le public écoutait, subjugué, l'histoire d'une romance qui défiait le temps. Même silence sur le plateau, les invités ne bougeaient pas, les yeux fixés sur cette silhouette qui frémissait dans l'ombre. Puis ce fut le vide, plus trace de Caroline. L'homme l'avait cherchée, hantant les cinémas en vain. Qu'était-elle devenue depuis tout ce temps? Micro en main, Caroline se retrouva dans l'obligation de répondre, de réagir, alors qu'il lui semblait que cette longue histoire ne la concernait pas. « Monsieur, excusez-moi, je ne sais que vous répondre. Votre témoignage me touche beaucoup, mais je suis désolée. » Je ne sais pas quoi vous dire. Excusez-moi. » Sa respiration devenant de plus en plus difficile, le débat prit fin et la lumière éclaira brutalement la salle. Olga avait repris possession de sa protégée. Elles suivirent le flot des spectateurs jusque dans le hall. Une longue table était disposée contre le mur qui offrait de multiples friandises et boissons. Tout ce petit monde papillonnait, voltigeait d'un groupe à l'autre, emplissant l'espace d'un bourdonnement sourd. On avait trouvé des chaises pour les trois vieillards qui ne cessaient de se sourire, faute d'arriver à se parler dans le bruit ambiant. Caroline émiettait dans son assiette les toasts qu'Olga lui avait préparés, incapable d'ingurgiter le moindre aliment solide. Le président vint les féliciter. Un jeune homme s'approcha de Caroline, lui demanda la permission de la photographier à ses côtés et sans attendre la réponse, brandit son portable, atteint contre lui et appuya. « La photo vous convient ?» Alors qu'Olga ouvrait la bouche pour s'insurger, il avait disparu dans la foule. La vieille femme s'affaissait sur sa chaise. Elle ne distinguait plus que des murmures confus, bruissants autour d'elle, des formes qui se mouvaient dans une sorte de ballet aléatoire. Les images s'imposaient en surimpression, des ombres, des visages familiers qui émergeaient brusquement de sa mémoire, devenaient si présents tout à coup. Olga, ayant décidé de regagner la maison de retraite sans plus tarder, commandait un taxi par téléphone, alors qu'Henri s'adressait à Caroline, maintenue fermement debout par l'animatrice qui s'apprêtait à l'entraîner vers la sortie. « Dorénavant, nous savons où te joindre. » Pierre opinait du chef, le regard toujours pensif. Olga finissait de s'installer aux côtés de Caroline, sur la banquette arrière du véhicule, quand elle vit un vieil homme s'approcher de la portière. « S'il vous plaît, je voudrais lui parler. » La voiture démarrait. Olga ne put que fermer la vitre et observer l'improbable fan disparaître, happé par la nuit. Le taxi mangeait les kilomètres. Les deux femmes somnolaient en silence. Lors d'un arrêt provoqué par un feu rouge, Olga observa sa résidente et s'aperçut que Caroline gardait ses yeux grands ouverts. Y brillait une lueur inconnue, petite flamme qui dansait dans le bleu sombre des prunelles. Eh bien, voilà, voilà. J'ai donc terminé cette histoire. C'est une nouvelle qui est inspirée de l'aventure du film de Philippe Condroyer, « La coupe à 10 francs ». L'histoire d'un jeune homme qui ne voulait pas couper ses cheveux et qui a fini par s'immoler devant l'usine qui l'embauchait. Voilà, c'était tout triste, tout triste. Et par contre, la musique de ce film était en partie écrite par Anthony Braxton. Et comme j'aime beaucoup ce musicien, je vais vous faire partager sa musique. Donc, créée en 1974. You stepped out of a dream. À bientôt sur Radio Gémozo.